This is Channel Africa, broadcasting from Johannesburg, South Africa, in French. Vous êtes à l'écoute de Canal Afrique, émettant de Johannesburg, Afrique du Sud, en langue française.